L'hymne « Souvenir des tropiques » par Lucien Billard. Chapitre 1er. Il est 5 heures du soir environ, et sous les arbres sévères entre lesquels nous défilons depuis 9 jours sans voir le ciel, le permanent crépuscule qui nous attriste s'accentue. En arrière, au loin, nous le savons par conjecture, le soleil se rapproche des sommets de la grande cordillère mexicaine et la nuit, aux ténèbres impénétrables sous les cèdres, va bientôt nous forcer à camper. Le terrain est en pente, je marche rapidement, car de nombreux indices me démontrent à mesure que j'avance que nous allons enfin sortir de la forêt dans laquelle nous sommes engagés, dont l'uniformité est pour nous une double cause de lassitude. Ces indices, ce sont des broméliacées qui croissent çà et là sur la terre grasse, des lianes enlacées aux branches des acajous, de minces lignes de lumière aussi vite parues que disparues, et enfin, dans le lointain, un chant d'oiseaux. De temps à autre, mon guide Lucio, beau métis de 23 ans à l'humeur joyeuse, lance un sifflement auquel, bien que ce soit à moi qu'il s'adresse et que j'en comprenne la signification, je ne réponds qu'en accélérant mon pas. Depuis 1 heure, nous devrions être campés, être assis quelque peu mornes, vu notre fatigue accentuée depuis 2 jours par le manque d'eau, autour du foyer d'un bivouac. Mais ce n'est pas seulement Lucio qui siffle. C'est le vieil indien Yaha qui imite son petit-fils José et auquel Martin donne aussitôt la réplique. Avec ses reniflements de stentor presque toujours intempestifs, il est compromettant, ce diable de Martin. Aussi ses oreilles seraient tirées d'importance pour le rappeler à l'ordre s'il était près de moi. Il se tait, et au lieu de répondre aux multiples appels qui de nouveau me sont adressés, je ne marche plus, je cours. Le terrain s'abaisse, les arbres s'espacent, une large baie de lumière s'ouvre devant moi. J'ai dépassé un dernier acajou, contourné quelques arbrisseaux et foulant de hautes herbes, me voilà sur un bord à pic. Je domine, de 200 ou 300 mètres, une vaste et longue vallée où se dressent des bouquets de palmiers, de lataniers, de maigres gommiers et de gigantesques cactus, le tout teint d'une rougeur sanglante d'incendie. D'où vient cette sinistre lueur? De hauts nuages, qu'éclaire encore le soleil pourtant déjà couché en arrière de nous. Ces feux mourants, si intenses, sont le reflet d'un reflet. Je suis rejoint par Lucio, qui pousse une exclamation joyeuse en voyant enfin un terrain de chasse et qui s'écarte un peu de moi pour laisser approcher Lina, dont la petite main, gracieuse et familière, se pose et pèse aussitôt sur mon épaule. « Tu es fatigué ?» dis-je à la jeune indienne. « Oui, » me répond-elle en tournant vers moi son joli visage et le doux regard de ses grands yeux. « Pourtant, si tu le veux, je marcherai encore. »« Tu es vaillante, je le sais. Mais si notre étape d'aujourd'hui a été longue, si j'ai voulu coûte que coûte atteindre la limite de la forêt, l'étape de demain, je l'espère, sera une promenade. Elle se réduira à descendre dans la plaine à chercher un ruisseau. L'eau trouvée, nous nous reposerons aussi longtemps qu'il nous plaira. » Yaha nous rejoint, siffle. Seulement cette fois, c'est de satisfaction. Derrière lui s'arrête José, lequel tient en laisse Martin, le vif petit âne que, pour mon compte particulier, j'ai baptisé de ce nom. Il porte en ce moment, le brave animal, les effets et ustensiles qui, avec lui, constituent non seulement toute la fortune du vieil indien Yaha, mais celle de ses petits-enfants Lina et José. La lueur d'incendie s'est brusquement éteinte et le ciel, non moins brusquement, s'est constellé d'étoiles. Nous ne sommes plus dans l'épaisse nuit du dessous des cèdres et nous respirons mieux. Ramené en arrière, débarrassé de sa charge et de son bât, Martin lance un nouveau braiement. « Oui, tu voudrais boire ?» lui dit José, qui connaît ses allures, qui prétend même comprendre son langage. « Mais quelle que soit ma bonne volonté, mon pauvre garçon, il faut que tu patientes encore jusqu'à demain. » Toutefois, comme compensation, tu vas pouvoir brouter des herbes de ton goût et non plus, comme hier et avant-hier, ronger des feuilles et des écorces d'arbres résineux. Martin semble avoir compris, car il secoue sa tête intelligente, mordit l'épaule de son conducteur ordinaire et se laisse docilement entraver à 20 mètres de l'acajou au pied duquel Lucio dispose d'un foyer. Quelques minutes plus tard, nous sommes groupés autour d'un feu discret, grignotant les galettes sèches de maïs que Lina nous a distribuées après les avoir soupesées et en quelque sorte mesurées. plus heureux que Martin, nous pouvons boire deux gorgées d'eau tiède, reste de notre provision qui, pour ma part, aiguise plus ma soif qu'elle ne la tempère. Notre maigre repas terminé, Lina se lève, s'approche du Yaha, lui demande sa main. Debout, retirant son léger chapeau de feuilles de palmier, le vieillard la lui tend. La jeune fille la saisit, la porte à son front, l'appuie contre son cœur, les fleurs de ses lèvres, réclame du vieillard sa bénédiction. C'est le bonsoir ordinaire de la jeune fille à son aïeul que cette petite cérémonie accomplit avec gravité, et ce sera demain matin son bonjour, tout comme celui de son frère. Du reste, la déférence des deux orphelins pour le vieillard est constante, touchante. Elle me fait songer, chaque fois qu'elle se manifeste, à ces âges légendaires, où le père de famille, l'aïeul surtout, était considéré comme le représentant de Dieu sur la terre, était, pour les siens, à la fois prêtre et roi. Lina s'est rapprochée du tronc de l'arbre qui nous abrite, puis s'est enveloppée de la tête aux pieds dans une blanche couverture de coton afin de se mettre à l'abri, dans la mesure du possible, de la piqûre des moustiques. Elle s'étend sur la dure sans se préoccuper d'un oreiller, et son père l'imite. Lucio, dont la fatigue est un laverbe ordinaire, bâille et rebâille sans façon, suit l'exemple qui lui est donné, s'endort à son tour, tandis que Yaha, qui doit veiller le premier, se rapproche du foyer. Il s'assied, Yaha, ramène ses jambes nues contre sa poitrine, appuie ses bras sur ses genoux, son menton sur ses bras. Il va demeurer de longues heures dans cette position que je puis à peine supporter pendant quelques minutes, et qui, à son dire, le délasse, tant l'habitude a de puissance sur notre corps. Nous sommes face à face, l'Indien et moi, et silencieux, rêveurs, nous regardons flamber notre foyer avec une attention aussi inconsciente que soutenue. Nul bruit qui puisse nous distraire autour de nous, et sur le haut front, sur les traits réguliers de mon compagnon, que depuis 15 jours que je le connais, je n'ai pas encore vu sourire, je cherche une fois de plus en vain les caractères distinctifs de la race à laquelle il appartient. Singulier caprice de la nature, si une peau blanche remplaçait brusquement la peau bronzée de ce Totonac, j'aurais sous les yeux le type idéal d'un savant ou d'un sage, d'un grec ancien. Quelles pensées secrètes ont donc élargi ce front dont le possesseur ne sait ni lire ni écrire, qui ignore que la terre est ronde, qui de son vaste et pittoresque pays au climat d'hiver, aux races si nombreuses que plus de 40 idiomes y sont parlés, ne connaît que le hameau où il est né et où nous nous rendons, que le coin de forêt qu'il a autrefois défriché pour y construire sa cabane, où il a vécu et vieilli, où il comptait mourir, et qu'un événement inattendu l'oblige à fuir. Bien que mes paupières commencent à s'alourdir, je rêve, tout en regardant voltiger les flammes. Nous sommes au 21 juin 1860, et celui qui, se posant prophète, m'eût dit il y a 5 ans qu'à cette date, je serais campé en plein désert en compagnie de 2 Indiens, d'un métis mexicain et d'une jeune Indienne, m'eût simplement convaincu qu'il était fou. Rien de plus vrai, pourtant, et après nombre d'aventures dans un pays où, il faut bien le dire, elles étaient alors fréquentes, me voilà protecteur de l'innocence persécutée. C'est que, ainsi que le dit volontiers mon guide Lucio, il y a en tout lieu des méchants, de jolies femmes et des amoureux, par conséquent des histoires. Au fond, celle dont je suis pour le moment un des acteurs est simple mais déjà tragique, et peut d'un moment à l'autre devenir plus tragique encore. Marié de bonne heure, comme tous les Indiens, Yaha a cherché une solitude pour s'y tailler un petit domaine et s'est établi au-delà de la forêt que nous venons de traverser. Il a eu un fils qui, devenu homme, a rencontré non loin de sa cabane natale une jeune fille de sa race et l'a épousée. De ce mariage sont nés José, qui a 20 ans, puis Lina, qui en compte 17. Il y a 3 ans, la femme, le fils et la belle-fille de Yaha sont morts, à peu de distance les uns des autres, emportés, à ce que j'ai pu déduire des brèves explications que m'a données le vieillard, par des fièvres pernicieuses. Lina, outre les grâces inhérentes à son âge, possède assez de beauté pour attirer fortement l'attention. Il y a dans ses yeux, dans sa démarche, dans son sourire et aussi dans son langage, un charme que nous avons subi dès la première heure, mais à des degrés différents, Lucio et moi. Or, l'un des vaqueros d'une hacienda de bétail distante de quelques lieues de la demeure de Yaha, lancé un jour à la recherche d'un poulain égaré, découvrit par hasard la solitaire habitation. Il vit Lina, en devint amoureux, et ne tarda guère à la demander pour épouse. Consultée, Lina repoussa le galant dont les façons lui déplaisaient sans dissimuler ses répugnances et s'en fit un dangereux ennemi. Un jour que Yaha et José chassaient, Severino, c'est le nom du vaquero, apparut dans la cabane où Lina se trouvait seule, et se faisant humble, la supplia de nouveau de l'accepter pour mari. Le demi-sauvage s'irrita des refus obstinés et francs de la jeune indienne, la menaça, s'exalta au point de l'enlacer traîtreusement de son lasso, d'essayer de lui faire violence. Surpris par José qui le blessa, qui l'eût tué sans les supplications de sa sœur, les conduits jura d'avoir sa revanche, et à dater de cet instant, on vécut sur un qui-vive perpétuel dans la cabane où tant d'années heureuses s'étaient écoulées, où Lina n'était plus en sûreté. Ce fut à ce moment que le hasard, mes hôtes disent la Providence, m'amena à mon tour devant la cabane. Aussitôt que Yaha sut que j'allais traverser la Sierra d'Acayucan, sa contrée natale, il m'instruisit de ses soucis, puis me demanda l'autorisation de cheminer avec les siens en ma compagnie, de l'aider au besoin à protéger celle qu'il nommait volontiers la prunelle de ses yeux. Grâce à ma présence et à celle de mon guide, Severino, bien qu'il vînt presque chaque jour rôder autour de la cabane, s'en tenait à distance. À plusieurs reprises, il essaya de s'aboucher avec le chevaleresque Lucio, qui aussitôt, après avoir vu Lina, épousa la haine de nos hôtes, et ne répondit aux avances qui lui étaient faites que par ses dédains. Il y a 9 jours, à l'aube, nous nous sommes enfoncés dans la forêt que nous venons de traverser, mes hôtes, Lucio et moi, laissant derrière nous la cabane incendiée et des animaux domestiques qui la peuplaient, n'emmenant que quelques poules pour notre subsistance, puis, auxiliaire indispensable, mon ami et filleul, l'espiègle Martin. Ce fut lui, je le dis avec satisfaction, qui, 48 heures après notre départ, nous révéla, par des vraiment inattendus et répétés, que nous étions suivis. Nous pensâmes aussitôt à Severino, et c'était bien lui. À dater de cette découverte, il nous fallut cheminer avec une prudence méticuleuse, ayant le soin constant de maintenir Lina au centre de notre file et l'ennemi à distance. Toutefois, depuis 3 jours, Severino semble avoir renoncé à sa poursuite. Demain, nous cheminerons dans une plaine moins exposé que parmi les arbres traîtrises dont nous nous considérons comme menacés. Néanmoins, le récent braiement de Martin que j'ai interprété autrement que José a ravivé mes craintes, et autant que jamais, je me propose de ne négliger aucune précaution pour défendre contre le faucon qui la convoite l'innocente, tendre, séduisante et au fond très énergique colombe qui a nom Lina.